me semblait que Michel au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. De professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues, enfin... Et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, apprendre les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment l'art va-t-il se retirer de la sphère publique à l'orée de la Première Guerre mondiale, demande l'historien de l'art Roland Recht. Quelles sont les nouvelles définitions des arts plastiques dans leur relation avec le public? Comment l'implication du spectateur dans le processus cognitif devient-il une nécessité pour Marcel Duchamp? Comment ce n'est plus la beauté qui distingue l'œuvre d'art, mais sa nouveauté? Comment la dissonance picturale et musicale d'aujourd'hui, selon le mot de Kandinsky en 1911, n'est rien d'autre que la consonance de demain? Comment l'introduction du paradigme du son, de la problématique de l'écoute, s'avère en musique une rupture tout aussi essentielle que celle de l'atonalité, avec un LA apostrophe, qui a été critiquée dans les années 1907-1908, demande le musicologue spécialiste de Xenakis, Makis Solomos. Nous vous proposons toute cette semaine et la suivante de larges extraits du colloque donné à l'automne 2014 sous le titre « Autour de 1914-1918, nouvelle figure de la pensée, sciences, arts et lettres ». Dans cette perspective, le Collège de France a invité ses professeurs mais aussi différents chercheurs dans une approche interdisciplinaire sur la question des conséquences sur le long terme de la Première Guerre mondiale. Makis Solomos, professeur de musicologie à l'Université Paris 8 et chercheur à Musidance, s'attache à montrer, en émaillant son analyse de brefs extraits musicaux en deuxième partie, comment de Claude Debussy à Arnold Schoenberg, en passant par le son organisé d'Edgar Varèse, au-delà de la rupture de l'atonalité, aux alentours de 1914 et jusqu'à aujourd'hui, comment le son est devenu un des enjeux majeurs de la musique. Tout s'est passé, dit-il, comme si durant un siècle environ, la musique avait amorcé un changement de paradigme, à savoir le passage d'une culture musicale centrée sur le ton à une culture du son. Roland Recht, professeur honoraire au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire de l'art européen médiéval et moderne, s'arrête pour sa part en première partie sur trois personnalités isolées et non des moindres, Pablo Picasso, Marcel Duchamp et Vassili Kandinsky, dans les 3-4 années qui précèdent la guerre, car ces trois artistes, nous dit-il, se situent à des moments cruciaux de leurs évolutions respectives, à un tournant de l'art moderne. Il revient sur la notion des avant-gardes, leur élaboration plus ou moins brutale, le protocole d'une rupture avec la tradition et le divorce définitif entre les masses et l'art moderne en 1912-1913. En schématisant les choses, note-t-il, on pourrait dire que les innovations introduites par Picasso, Duchamp et Kandinsky indiquent les trois voies principales qu'empruntera l'art du XXe siècle, la peinture régénérée par le collage, l'art conceptuel et enfin l'abstraction qui adoptera différentes modalités. Et nous gagnons le Collège de France le 17 octobre 2014 pour le colloque autour de 1914-1918, nouvelle figure de la pensée. Tout de suite, nous retrouvons Roland Recht, Picasso, Duchamp, Kandinsky, l'avant-garde et ses prémices. Je me propose de parler de trois artistes, sans doute les trois les plus célèbres, en tout cas parmi les plus célèbres de cette époque, et dans un premier temps d'évoquer ce qui fait l'originalité de leurs œuvres respectives, et dans un deuxième temps, vous proposer quelques réflexions sur ce qui peut être considéré comme une nouvelle définition des arts plastiques dans leur relation avec le public. Nous sommes au 242 boulevard Raspail, où Picasso emménage dans un atelier le 24 septembre 1912 pour le quitter un an plus tard, après y avoir en fait très peu séjourné. C'est pourtant là qu'il va effectuer quelques-unes des recherches les plus intéressantes, les plus décisives aussi de sa carrière, les plus inventives, ceci entre novembre et février, donc novembre 12 et février 13. Il s'agit des papiers collés. L'histoire de l'art du XXe siècle a retenu une date de naissance, première moitié du mois de septembre 1912, et le nom d'un artiste, Georges Braque. C'est lui qui aurait réalisé le premier papier collé comme variation à partir d'une nature morte intitulée Le Compotier. Nature morte peinte. C'est Picasso, cependant, alors en relation étroite avec son camarade, qui va pousser le plus loin ce type de recherche dans un élan créatif qui ne va pas diminuer et qui lui fait en même temps peindre les tableaux cubistes de ce qu'on appelle la période synthétique. Le papier collé est un, ici un détail d'un de ses plus beaux papiers collés de Picasso, est un, simplement un morceau de matière imprimée et colorée ou colorée qui est directement fixé sur une surface peinte ou dessinée selon les principes constructifs du cubisme. À l'aide de matériaux non homogènes, on crée ainsi un espace non homogène. La planéité du papier vient s'inscrire et vient en même temps contrarier la structure spatiale cubiste. Alors, l'adresse des affiches, de l'annonce publicitaire, des titres de journaux, voilà autant de messages qui sollicitent la conscience dans ces premières décennies du XXe siècle et qui bouleversent définitivement une perception habituée à la circulation des signes plus lente. Le premier collage de Picasso qui utilise du papier journal est un collage qui s'intitule « Guitare, partition et vers ». La découpure provient d'un numéro de Le Journal, quotidien que le peintre lisait quotidiennement, en même temps qu'il lisait le matin. Il date du 18 novembre 1912 et porte le titre « La bataille est engagée », relatif à la guerre des Balkans. Alors ce titre fait qu'on a beaucoup spéculé sur la signification des titres de journaux, des adresses donc, que Picasso a utilisées dans ses papiers collés. Alors qu'il les ait sélectionnés intentionnellement dans certains cas est tout à fait indéniable. Mais lorsqu'on étudie la genèse de ces papiers collés, on s'aperçoit qu'ils sont précédés par des essais très aboutis où c'est le papier journal qui devient le support principal, se substituant ainsi à la toile ou à la surface de papier, et un morceau de papier blanc qui est collé sur la surface du journal. Alors, ce que je vous montre là, c'est un document inédit qui provient d'un fonds, d'une collection particulière, découverte seulement il y a quelques années, qui n'est pas encore publiée du tout, qui attend d'être montré et publié, étudié même, mais extrêmement intéressant parce qu'il s'agit de tout un ensemble de journaux, presque pendant une semaine du mois de novembre, on a la totalité de la production de Picasso, selon ses formules qui sont traitées au coup de ciseau et à la colle. Alors ici, nous avons en fait une préparation pour ce qui va être un collage, que je vous montre là. Et vous voyez que dans le premier cas, donc, c'est le journal qui sert de support, avec un dessin au fusain et un morceau de papier blanc cirusé collé à cet endroit. La version définitive est légèrement différente quant au dessin, mais le contenu est le même. Et surtout, le papier blanc a été remplacé par un morceau de journal. C'est le dessin qui se trouve au Musée national d'art moderne, issu de la donation Laugier. Donc l'œuvre définitive n'est rien au fond qu'un renversement de l'essai premier ce qui était support imprimé devient papier collé et la matière du papier collé devient support dessiné. Cela signifie que la forme du papier collé est arrêtée indépendamment du message typographique qu'il contient. Mais les expériences que Picasso réalise à l'aide des papiers collés doivent être examinées encore dans un autre contexte, plus large. Car c'est aussi le moment et le lieu, le boulevard Raspail toujours, où le peintre met en scène des constructions en trois dimensions. Voilà cet extraordinaire montage dans l'atelier de Picasso. Construction au joueur de guitare, qui est fait de matériaux hybrides, comme vous le voyez. Il y a une grande surface dessinée avec des collages, et ensuite des bras découpés dans des feuilles de journal, et une véritable guitare accrochée à l'aide de ficelles. C'était le genre de photo que Picasso faisait dans son atelier, sur laquelle il travaillait ensuite, il maquillait la photo, il recomposait ce qu'il voulait faire, et il retravaillait sur le dispositif original. Donc ces constructions synthétiques, d'une part, que nous avons vu à l'instant, les installations, que voici, et les photographies, donc souvent maquillées, qui montrent qu'en fait, Picasso est en quête d'objets qui se situent entre la sculpture et la peinture, tout en empruntant aux deux. Alors, nous passons à Duchamp. C'est en prégnant une œuvre encore marquée par l'enseignement du cubisme que Marcel Duchamp connut sa célébrité outre-Atlantique. Son tableau intitulé « Nu descendant un escalier » devait être montré à Paris, au Salon des Indépendants, en 1912, et il y a eu une cabale menée par Glaise, un des cubistes, je dirais secondaires, qui s'oppose à ce que ce tableau soit montré. Et il sera donc exhibé un an plus tard, en 1913, à l'Armory Show à New York, qui était une sorte de manifeste marquant le point de départ de l'art moderne aux USA. Alors, on voit, on voit pas très bien, mais enfin, tout de même, vous avez en haut, dans l'angle supérieur droit, un bout d'escalier et qui se poursuit ici en bas. C'est un escalier qui a presque une sorte de structure pyrénéenne. Et on voit là-dessus un corps désarticulé et feuilleté qui se déploie à la manière des chronophotographies de Marais, dont Duchamp a admis lui-même l'influence dans cette période de son travail. Alors, le mouvement lui-même, évidemment, ne peut pas être représenté dans une image fixe. Et ce que dit Duchamp paraît tout à fait pertinent. Au fond, dit-il, le mouvement, c'est l'œil du spectateur qui l'incorpore au tableau. C'est l'œil du spectateur qui l'incorpore au tableau. L'implication du spectateur dans le processus cognitif sera dorénavant une nécessité pour la conception de l'art qu'a Duchamp. Il est très vraisemblable aussi que le désappointement ressenti par le jeune artiste qui n'avait que 25 ans devant l'ostracisme dont l'a frappé le Salon des Indépendants ne soit pas pour rien dans la distance qu'il a fini par prendre très vite et vis-à-vis de la peinture et je dirais surtout vis-à-vis des peintres. En 1913, il pose une roue de bicyclette sur un tabouret dans son atelier. J'insiste, parce que parfois on croit qu'il a exposé cette chose dans un musée ou dans une galerie. Pas du tout, c'était dans son atelier. C'est le premier ready-made. Duchamp y a insisté, ce n'était pas un geste esthétique, tout juste, dit-il, une distraction. Le mot est de lui, une distraction, un jeu. Le choix d'un tel objet est basé, je le cite encore, sur une totale indifférence visuelle. Il ne s'agit pas d'avoir du goût ou de ne pas en avoir pour choisir un tabouret sur lequel on place une roue de bicyclette. Et ce sera la même chose pour le porte-bouteille de 1914 acheté au bazar de l'Hôtel de Ville. Cette fois, Duchamp a l'idée d'y ajouter une inscription, mais c'est après son déménagement aux USA que le ready-made semble avoir vraiment acquis son statut épistémologique dans son œuvre. Alors voici ce qu'il dit à propos du ready-made. En projetant pour un moment à venir, tel jour, telle date, telle minute, d'inscrire un ready-made, le ready-made pourra ensuite être cherché. L'important alors est donc cet horlogisme, cet instantané, comme un discours prononcé à l'occasion de n'importe quoi, mais à telle heure. C'est une sorte de rendez-vous, dit encore Duchamp. Il souhaite marquer ainsi le caractère unique de l'événement ready-made à l'aide de ses coordonnées spatio-temporelles. Il se présente donc comme un objet unique, alors qu'il est un objet manufacturé. Duchamp fait ainsi passer l'objet trouvé de l'indifférence visuelle à la différence visuelle, en donnant paradoxalement une place déterminante au spectateur, c'est-à-dire à une réception productive. Partie de la peinture, Duchamp va donc y renoncer, entre autres pour jouer aux échecs, il était champion international d'échecs, mais aussi pour s'enfermer dans une sorte de méditation ascétique autour du grand verre, commencé en 1915 et abandonné en 1923, et c'est sous la forme d'une œuvre inachevée que cet objet se trouve aujourd'hui au musée de Philadelphie. Le geste de Duchamp impliquait deux ordres de choses qui vont affecter une grande part du développement de l'art au cours du XXe siècle. Ce n'est plus la beauté reposant sur le principe de la ressemblance qui distingue l'œuvre d'art, mais sa nouveauté. L'artiste élargit singulièrement le champ de son intervention. En même temps, il peut intervenir n'importe où et n'importe quand. Ceci est à retenir si l'on pense aux nombreux, on peut dire, d'une part les épigones de Duchamp au XXe siècle, mais aussi à des artistes tout à fait remarquables qui ont effectivement agi dans la définition de ces coordonnées spatio-temporelles. Troisième artiste, Kandinsky. Le 18 janvier 1911, après avoir assisté à un concert d'œuvres d'Arnold Schoenberg, Vassili Kandinsky écrit au compositeur, je cite, « Je crois qu'on ne peut trouver notre harmonie d'aujourd'hui par des voies géométriques, mais au contraire par l'anti-géométrique, l'anti-logique, le plus absolu. Et cette voie est celle des dissonances dans l'art, en peinture comme en musique. Et la dissonance picturale et musicale d'aujourd'hui n'est rien d'autre que la consonance de demain. » Fin de citation. C'est l'époque où Kandinsky opère dans sa peinture le passage d'une figuration proche du fauvisme à une absence de référence figurative. Ce passage, à la différence de l'irruption du réel dans l'art, que nous avons évoqué à propos des papiers collés de Picasso et des objets trouvés de Duchamp, nécessite au contraire un retour sur soi. Autant les papiers collés et les ready-made prétendent à une désubjectivisation, autant l'abstraction telle que la prône Kandinsky est affirmation forte de la subjectivité. Dans son livre intitulé « Du spirituel dans l'art », qui paraît en russe en 1910 et en allemand en 1911, en français en 1951, on peut lire, je cite, « Lorsque la religion, la science et la morale sont ébranlées, et lorsque leurs appuis extérieurs menacent de s'écrouler, l'homme détourne ses regards des contingences externes et les ramène sur lui-même. La fonction de la peinture devient alors d'exprimer le monde intérieur de l'individu, autrement dit, son monde spirituel. » Fin de citation. Ce langage, vous l'avez compris, c'est l'abstraction, c'est-à-dire le renoncement à toute référence mimétique et l'affirmation d'une syntaxe qui repose uniquement sur les formes et les couleurs, tout comme la musique repose sur les sons. La peinture, écrit encore Kandinsky, est le heurt grondant de deux mondes différents destinés à créer, dans et par leur combat, le monde nouveau qu'on nomme l'œuvre. Chaque œuvre naît, du point de vue technique, exactement comme naquit le cosmos. Est beau ce qui, pour Kandinsky, répond à une nécessité intérieure. Il s'agit, comme il le dit, de déplacer le centre de gravité vers l'intérieur de la nature. Le tableau doit être comme un organisme vivant qui vit son existence propre. C'est, dit-il, un être purement pictural. Dans un tableau comme Impression 5, Parc, du 12 mars 1911, on peut observer ce passage de l'impression que produit la réalité extérieure sur le peintre. Ici, lorsqu'on regarde bien, il s'agit en fait de deux cavaliers qui se dissoutent progressivement dans la composition colorée. En même temps, on voit ici tout le paradoxe du travail de Kandinsky qui prône une inspiration, si on peut appeler ce terme, mais pour lui je crois que c'est tout à fait adapté, à partir de son monde intérieur, mais qui en fait part de formes extérieures pour les transformer progressivement. Kupka, Delaunay, Larionov, aussi Kupka, Delaunay, Larionov, Mondrian, Malevitch traversent dans les mêmes années une période de transformation plus ou moins radicale de leur art, tous tendant vers l'abstraction. En schématisant les choses, on pourrait dire que les innovations introduites par Picasso, Duchamp et Kandinsky indiquent en fait les trois voies principales qu'empruntera l'art du XXe siècle. La peinture comme régénérée par le collage, et on sait la fortune que connaîtra cette idée chez les dadaïstes puis les surréalistes. L'art conceptuel ensuite, et enfin l'abstraction, qui adoptera différentes modalités, comme par exemple l'expressionnisme abstrait ou encore l'abstraction géométrique. À côté de ces bouleversements, le mouvement futuriste italien a fait long feu. Ses protagonistes, Carrara, Boccioni, Severini, ont affiché la radicalité la plus grande en proclamant la nécessité d'une tabula rasa. Il s'agit de rejeter l'État, la loi, la religion, la culture. Pour les futuristes, l'art prépare une révolution sociale et politique. Je passe maintenant à la deuxième partie de mon exposé. Afin d'interpréter ces bouleversements dans le domaine de l'art, l'historien, je crois, doit se poser la question suivante. Pouvons-nous repérer des occurrences dans les temps modernes, sur la longue durée, de rupture aussi brutale et affirmée par rapport à une tradition artistique? J'aimerais, à l'instar de ce qu'a fait Antoine Compagnon dans « Les cinq paradoxes de la modernité », prendre pour point de départ la signification de ce terme d'avant-garde qu'on a employé pour désigner aussi bien le futurisme italien, l'œuvre de Duchamp ou encore le contenu de l'Armory Show. À l'origine, il désigne un principe de précaution militaire. Une unité de soldats est envoyée devant le gros de la troupe afin de permettre à celle-ci de se préparer au combat le moment venu. Au plan moral, l'idée de marche continue vers le progrès, elle, a son origine dans la Révolution française. Elle sous-entend que certains hommes entraînent les autres dans cette marche. Dans son dialogue intitulé « L'artiste, le savant et l'industriel » de 1825, le Saint-Simonien Olinde Rodriguez emploie l'expression « avant-garde » pour les artistes. « C'est nous, artistes, qui vous servirons d'avant-garde. La puissance des arts est en effet la plus immédiate et la plus rapide. » Reprenant ainsi le thème de Saint-Simon, les artistes, les hommes à imagination, ouvriront la marche. Je cite, « Ils proclameront l'avenir de l'espèce humaine. » Dans la conception de Saint-Simon, en effet, l'artiste est l'homme à imagination qui sait éveiller les sensations et les passions. Les artistes, à la différence des autres hommes, disposeraient d'un pouvoir de conviction et de suggestion auprès du peuple. Paul Ricoeur observe qu'il s'agit pour Saint-Simon de promouvoir une esthétique politique que doit motiver l'imagination artistique. Nous touchons là un point central de nos réflexions. L'idée selon laquelle l'éducation esthétique, la culture esthétique, peuvent jouer un rôle déterminant dans la construction du sujet moderne. Je voudrais m'arrêter quelques instants à cette véritable révolution esthétique du cercle d'Iéna que proclame Friedrich Schlegel et qui, durant les toutes dernières années du XVIIIe siècle, a constitué le premier groupe d'avant-garde de l'histoire. Conscient d'une part des changements profonds qui affectent la société et le monde dans lequel il vit, et du rôle qu'a joué la grécité comme modèle du classicisme, Schlegel se propose de mettre au jour une nouvelle vision de l'antique. Il publie en 1797 un essai qui s'intitule « L'essai de la poésie grecque », qui est en fait une remise en question de la littérature contemporaine. Et il conclut ainsi « Le moment est apparemment venu pour une révolution esthétique par laquelle l'objectivité pourrait devenir dominante au sein de la culture esthétique des modernes. » Fin de citation. Pour y parvenir, il faut abattre les frontières entre la science et l'art, entre le vrai et le beau, entre toutes les disciplines. Je cite encore, « L'histoire tout entière de la poésie moderne est un commentaire suivi du bref texte de la philosophie. Tout art doit devenir science et toute science devenir art. Poésie et philosophie doivent être réunies. » Pour Schlegel, il s'agit en fait de donner une place nouvelle à la théorie de l'art. Je cite, « La puissance légitimante de l'éducation esthétique des modernes n'a pas à être cherchée davantage, dit-il. C'est la théorie. Car l'entendement a été, dès le commencement, le principe directeur de cette éducation. Mais les lois de la théorie esthétique ne détiennent de véritable autorité que dans la mesure, je souligne, où la majorité de l'opinion publique les aura reconnues et sanctionnées. » Le romantisme serait alors la théorie elle-même comme littérature, ou la littérature se produisant en produisant sa propre théorie. C'est ce qui est radicalement nouveau dans cette tentative de prolonger, de revivifier la révolution par l'éducation esthétique. C'est l'exigence d'une sanction par l'opinion publique. Dans la perspective dans laquelle je me place, il importe de souligner que chez les penseurs d'Iéna, l'ambition littéraire est aussi l'ambition d'une fonction sociale inédite de l'écrivain et par conséquent de la visée d'une société autre. Nous nous trouvons là sur un terrain que les avant-gardes du XXe siècle vont largement occuper. À partir de la Révolution française, la perception du temps semble le partager en deux entités. Le passé antérieur à la Révolution, dont a à s'occuper l'historien, et le futur perçu sous le régime du progrès. Le présent serait donc une période de transition, tendue sur l'attente d'un accomplissement. Semblable discontinuité explique que la question du nouveau et du moderne se pose alors avec force. Ce qui caractérise le milieu du XIXe siècle, c'est l'irruption de la réalité dans la peinture, en particulier dans celle de Courbet, voire, par exemple, sur l'enterrement à Ornans, ou même l'atelier, et de Manet, voire l'Olympia, mais enfin, que tout le monde connaît, donc je montre aussi cette asperge. Même si l'un comme l'autre ne voulait en aucune façon adopter la posture du peintre révolutionnaire. Cependant, à la différence de ce qui va se passer avec les papiers collés et les ready-made, la réalité est, chez Courbet et Manet, présente par la médiation du travail pictural. Les grandes expositions universelles dites de la deuxième moitié du XIXe siècle, de Londres, de Paris, de Vienne, ont mis en scène une compétition internationale des arts appliqués. Elles avaient martelé le triomphe du progrès, de la science et de la marchandise, contribuant ainsi à un réenchantement auquel aspirait la bourgeoisie. Le triomphe de la technique et de l'industrie et leur mariage avec les arts ont renforcé la conviction partagée à l'intérieur de la bourgeoisie que tous les styles étaient désormais utilisables afin de modeler le cadre de vie. En introduisant le salon de 1846, Baudelaire s'adresse aux bourgeois qui, dit-il, doivent devenir aptes à sentir la beauté. Il décrit une véritable économie du profit qu'ils peuvent tirer de leurs activités, y compris la jouissance de l'art, afin de parvenir, je cite, « à l'équilibre des forces de leur âme ». Le poète a contresigné quelque part cette définition que donne Stendhal, « le beau n'est que la promesse du bonheur ». Dès l'entrée du siècle, les symptômes d'une déflagration qui atteint du XXe siècle, les symptômes d'une déflagration qui atteint les structures canoniques du tableau traditionnel se manifestent. On peut en signaler deux remarquables exemples. Lorsque Gustav Klimt reçoit la commande du décor de l'Aula Magna de l'Université de Vienne, les professeurs s'attendent à une vaste allégorie sur le savoir. Dans celle de la jurisprudence de 1903, on a quelques photos de cette œuvre qui a été brûlée en 1945, Klimt traite avec un réalisme inacceptable la figure d'un vieillard nu pris dans les tentacules d'une pieuvre, autrement dit d'une justice impitoyable. À l'aide d'une palette somptueuse et en combinant ornements plats et modelés réalistes, le peintre a enfreint tout autant l'iconographie canonique que les règles de l'art. Second exemple. En 1907, Picasso peint les Demoiselles d'Avignon. La dissonance qu'il introduit dans la partie droite du tableau parut insoutenable aux artistes et aux critiques, les moins conservateurs pourtant, ceux qui voulaient voir dans ce tableau, avant tout, un développement personnel de Picasso à partir de l'œuvre de Cézanne. Le tableau, d'ailleurs, demeurera dans l'atelier jusqu'en 1915, Picasso sachant ce qui lui en a coûté de le peindre. La conscience de vivre entre deux époques fut très vive autour de 1800 et de 1900. En 1800, la récente révolution a suscité cette conscience en même temps qu'elle a ratifié la croyance dans le progrès. Vers 1900, on assiste à la montée d'un désenchantement croissant. Pour reprendre les mots de Hannah Arendt, je cite, « On oublie combien le dégoût peut alors être justifié dans une société entièrement saturée par l'idéologie et la morale bourgeoise. » Fin de citation. Le désir impérieux de mettre fin à une forme de l'empourrissement des valeurs et des critères anciens qui se faisait sentir au sein de l'élite intellectuelle et du monde de l'art pouvait conduire à penser que la guerre, je cite encore Arendt, la destruction impitoyable, le chaos et la ruine en tant que telle revêtaient la dignité de valeur suprême. Fin de citation. Ce fut le cas pour les futuristes italiens. Les avant-gardes élaborent avec une plus ou moins grande brutalité le protocole d'une rupture avec la tradition, ce qui entraîne leur rejet par la majorité. L'art se retire alors de la sphère publique. En effet, toutes les innovations de 1912-13 consacre le divorce définitif entre les masses, entre les masses et l'art moderne. L'impressionnisme, le néo-impressionnisme, et dans une certaine mesure le fauvisme, représentaient les dernières tentatives de réenchantement d'une bourgeoisie pour laquelle les progrès de l'industrie devaient s'accompagner d'une éducation esthétique destinée à les rendre vivables. Courbet et Manet ont choqué le bourgeois en peignant une réalité que celui-ci souhaitait justement tenir à distance de l'art. Le spectateur pouvait néanmoins identifier aisément et nommer cette réalité. Elle lui demeurait accessible. À la différence de ce que font Picasso, Duchamp, Kandinsky, le monde extérieur et le monde intérieur deviennent alors la matière première, si l'on peut dire, d'un art qui franchit encore un pas au cours de ce processus tendant à une subjectivité toujours plus grande, assortie d'une légitimation théorique désormais inséparable de toute œuvre. C'est tout à fait évident, c'est sans doute le plus évident pour Duchamp. Il est singulier que cette exigence théorique, sans qu'elle fût formulée explicitement, soit néanmoins le mot d'ordre de Schlegel un siècle plus tôt et corresponde parfaitement au caractère de l'art moderne tel qu'il se manifeste à partir de 1912. Avec cette grande différence, c'est que ce consensus populaire qu'avait réclamé Schlegel est totalement renversé en une distance définitive prise avec le public. Si une grande partie de l'art, avant, pendant et après la Première Guerre mondiale, ne vise plus l'acquiescement de la sphère publique, elle a cependant élargi son champ d'investigation. La conscience de l'artiste s'ouvre désormais à des mondes infra ou supraconscients, réels ou idéels, dont l'œuvre va pouvoir faire son contenu à partir du moment où l'enjeu mimétique et la tyrannie canonique du beau ne viennent plus l'entraver. Je vous remercie. Le Collège de France et France Culture vous ont présenté le colloque 1914-1918, la contribution de Roland Recht intitulée « Picasso, Duchamp, Kandinsky, l'avant-garde et ses prémices ». Et tout de suite, nous vous proposons d'écouter celle de Makis Solomos, « Rupture musicale superficielle et profonde » autour de 1914-1918. Du point de vue humain, la Première Guerre mondiale eut, comme ce fut le cas dans la plupart des domaines, un impact très fort sur le microcosme de la musique. Impact que les historiens ont commencé à étudier. Du point de vue des idées musicales, qui sera le mien ici, la Grande Guerre introduit des ruptures qui marqueront tout le XXe siècle. Je ne chercherai pas ici à vous présenter une synthèse impossible. En revanche, j'aimerais revenir sur les débats qui caractérisent ce XXe siècle issus de la Grande Guerre. Pendant longtemps, on a estimé que la rupture fondamentale a été la contestation de la tonalité, laquelle avait constitué l'essence de la musique occidentale pendant trois siècles. Contestation de la tonalité et introduction de la tonalité et l'apostrophe atonalité. Cette lecture reste bien sûr valable. Cependant, une nouvelle approche s'impose de plus en plus, une approche qui, prenant en compte également d'autres mutations que celles survenues dans le champ de l'écriture de la composition, et notamment intégrant notamment la problématique de l'écoute, une nouvelle approche donc évoque un changement de paradigme qui met fin non seulement à la musique tonale, mais aussi plus généralement à la notion de ton, de note, de hauteur, et qui introduit le paradigme du son. Mais commençons par l'atonalité. Et l'apostrophe atonalité. Elle s'entrevoit déjà dans la seconde partie du XIXe siècle, dans le prélude de Tristan et Isolde, 1859, de Wagner, dans la bagatelle sans tonalité, 1885, de Liszt, etc. C'est le Viennois Arnold Schönberg, évoqué ce matin à propos de Kandinsky, qui la systématisera dans sa période créatrice qu'on qualifie précisément d'atonale, et qui se développe un peu avant la Grande Guerre. En général, on indique son second quatuor opus 10, 1908, comme date symbolique de la suspension de la tonalité. La tonalité, et l'apostrophe atonalité libre, comme il est d'usage de préciser, va de pair avec l'esthétique expressionniste que développe Schoenberg durant cette période. C'est sans doute pourquoi l'un des points d'achoppement de la musique atonale, qui rencontrera une très forte opposition, n'est pas tant la perte de repères que la dissonance évoquée également ce matin. La fameuse dissonance dont le philosophe de la musique Théodore Adorno s'emparera pour théoriser la nouvelle musique comme protestation, comme révolte contre le devenir du monde. Voici la première des six petites pièces pour piano plus 19 de 1911 de Schoenberg qui illustre parfaitement ce nouveau monde de l'apostrophe à tonalité et de la dissonance. Dans l'après-Grande Guerre, Schoenberg passe par une époque importante de silence, ne donnant pas de compositions nouvelles. On explique en général ce silence, cependant occupé par plusieurs esquisses, ainsi que par l'échelle de Jacob, oratorio inachevé. On explique donc en général ce silence par sa quête d'un système, d'une manière d'organiser le nouveau matériau de l'atonalité pour inventer une syntaxe qui pourrait l'aider à installer durablement la nouvelle musique. Cette nouvelle syntaxe, le dodécaphonisme ou sérialisme, apparaît dans la valse, la dernière des cinq pièces pour piano de 1923. Schoenberg la généralise dans ses compositions suivantes. C'est le cas aussi de ses élèves les plus célèbres, Alban Berg et Anton Webern. Je disais que l'atonalité, et l'apostrophe atonalité toujours, rencontra une très forte opposition. Ainsi, la symphonie de chambre numéro 1 de Schoenberg, qui n'est même pas encore atonale, est déjà violemment critiquée. Dans ces critiques se glissent rapidement des considérations antisémites. Ainsi, en 1908, dans une presse sans doute encore minoritaire, on lit, toujours à propos du second quatuor opus 10, qui, comme il était dit, est la première œuvre à suspendre la tonalité. Je lis donc un critique allemand. Un méchant scandale s'est produit dans la salle Bösendorfer, lors d'un concert de M. Rosé, Rosenblum. C'était à l'occasion de l'exécution d'un quatuor du juif Schoenberg. Le quatuor Rosé fut interrompu au milieu de sa besogne, car quelques auditeurs, irrités par les effroyables sons de la masse schoenbergienne, pardon, de la muse schoenbergienne, qui, venant de Grèce, s'est évidemment égaré en Palestine, n'ont pas boudé leur envie de donner à M. Schoenberg un petit massage. On peut se demander si tout cela n'était pas une fraude juive seulement destinée à attirer l'attention sur M. Schoenberg. Fin de citation. Dans l'après-Grande Guerre, les critiques se déchaînent encore plus. Je n'insisterai pas davantage, c'est bien connu. Ce qui est important de souligner ici, c'est que l'atonalité, et l'apostrophe atonalité, ne cessera d'être attaquée. Qualifiée d'entartete Musik, musique dégénérée par les nazis, la musique atonale est interdite, qu'elle soit pratiquée par des juifs ou des non-juifs. Dans l'après-Seconde Guerre mondiale, les polémiques reprennent, délestées bien entendu de leur volant antisémite. Elles perdurent pendant toute la seconde moitié du XXe siècle, et elles semblent parfois continuer jusqu'à aujourd'hui. L'une des dernières a malheureusement eu lieu ici même, au Collège de France, il y a environ 2 ans. À cette occasion, le monde de la musique s'étonna que cette vénérable institution ait pu donner une tribune à des musiciens animés de tant de haine à l'égard de la modernité musicale. C'est peut-être parce qu'elle rencontra tant de haine et d'esprit de revanche que l'atonalité, et l'apostrophe atonalité, schoenbergienne, puis celle sérielle des années 50-60, puis post-sérielle des années 80, etc., a été pensée pendant longtemps comme la rupture la plus profonde issue de la Grande Guerre. Mais une autre rupture qui démarre au même moment tend aujourd'hui à être pensée comme plus décisive, avec des effets à plus long terme. Sous l'idée d'atonalité, on peut entrevoir le dépassement de la notion même de ton, de note, au profit de l'émergence de la notion de son. À vrai dire, Schoenberg, qui défendait la notion de note et de ton, était totalement opposé justement au qualificatif d'atonal, disant que sa musique avait des notes et des tons et qu'elle ne pouvait pas donc être atonale. Émergence du son. De Claude Debussy ou même de Schoenberg, aux alentours de 1914 à notre début du XXIe siècle, le son est devenu l'un des enjeux majeurs, sinon l'enjeu majeur de la musique. Tout s'est passé comme si, durant un siècle environ, la musique avait amorcé un changement de paradigme, amorçant le passage d'une culture musicale centrée sur le ton à une culture du son. Et l'on pourrait dire que ce changement radical est au moins aussi fondateur que la Révolution qui, au début du XVIIe siècle, fit naître la tonalité. Eu égard à la musique la plus avancée du XXe siècle, on s'aperçoit avec le recul que le qualificatif d'atonal ne correspondait qu'à son potentiel de destruction du passé, éventuellement la barbarie positive dont il était question, le recentrement sur le son, lui, en constituant la face constructive. L'explication phénoménologique reste valable pour nombre de musiques, mais le recentrement sur le son ne peut pas toujours être pensé comme réduction. Plus généralement, il se présente, disions-nous, comme émergence. J'aimerais illustrer cette mutation par quelques références situées aux alentours de la Grande Guerre. Pour commencer, voici une référence à Claude Debussy qui offre un bon exemple pour comprendre la notion d'émergence à propos de ce recentrement sur le son. Dans sa musique, les accords, les agrégats complexes sonnent souvent comme des couleurs, comme des timbres harmonie, le mot timbre ici étant pris comme synonyme de son. En d'autres termes, chez Debussy, la note, le ton, que d'habitude on appréhende du côté de la hauteur, peut jouer le rôle de fréquence, au sens physique du terme. Au lieu d'exister pour fonder un jeu mélodique ou un enchaînement d'accords, elle se présente comme la composante spectrale d'un son. Un tel son, synthétisé entre guillemets par l'orchestre, est audible, par exemple, dans les premières mesures de Jeu de 1913. Seconde référence, retour à Schoenberg. Cette fois, la notion de mélodie de timbre, Klangfarben Melodie, que Schoenberg forge parallèlement à son exploration de l'univers atonal. Cette notion est proposée à la fin de son traité d'harmonie, écrit en 1911 et révisé en 1921. Schoenberg y émet l'hypothèse que si, par le passé, ont existé des mélodies de hauteur, qu'on nomme tout simplement des mélodies, rien n'empêche désormais d'envisager des mélodies de timbre, c'est-à-dire des mélodies de son. Je le cite, « Je ne puis admettre sans réserve la différence que l'on a coutume d'établir entre timbre et hauteur. C'est en effet par son timbre, dont une dimension est la hauteur, que le son se signale. Aussi, le timbre est le grand territoire dont une région seulement est la hauteur. La hauteur n'est rien d'autre que le timbre instauré dans une direction. S'il est possible maintenant, à partir de timbres différenciés par la hauteur, de faire naître des figures que l'on nomme mélodies, c'est-à-dire des successions dont la cohérence provoque un effet semblable à une idée, alors il doit être également possible, à partir des timbres de l'autre dimension, que nous nommons tout simplement timbres, de produire des successions dont le rapport entre eux agit avec une sorte de logique en tout point équivalente à la logique qui nous satisfait dans la mélodie de hauteur. Cela semble une fantaisie futuriste, et ça l'est probablement, mais une fantaisie à la réalisation de laquelle je crois fermement. Fin de citation. Cette proposition est déjà mise en œuvre musicalement par Schoenberg avant son traité, c'est donc pas tout à fait une fantaisie futuriste, dans la troisième des cinq pièces pour orchestre de 1909, 2 ans justement avant l'achèvement du traité d'harmonie. Les cinq pièces pour orchestre ont été éditées en 1912 et révisées en 1922, et lors de la révision, c'est la fameuse troisième pièce qui met en œuvre la mélodie de timbre qui reçoit un nom significatif, Farbe, couleur. Voici une troisième référence, cette fois située dans l'après-Grande Guerre, référence au musicien du son par excellence, Edgar Varèse, dont la production musicale dans l'après-Grande Guerre mit en œuvre l'idée d'une musique pensée non plus comme combinatoire de notes, de tons, mais comme son organisé. Pour reprendre son expression favorite, pour le citer, comme le terme de musique me paraît avoir perdu de plus en plus de sa signification, je préférerais employer l'expression de son organisé et éviter la question monotone « Mais est-ce de la musique ?» Son organisé semble mieux souligner le double aspect de la musique, à la fois art et science, alors que les récentes découvertes de laboratoire nous permettent d'espérer une libération inconditionnelle de la musique, en même temps que la possibilité pour ma musique de s'exprimer et de satisfaire ses exigences. Fin de citation. L'idée de son organisé peut être illustrée avec Ionisation, une œuvre pour 13 percussionnistes de 1929-31, la première œuvre pour percussion seule dans toute la musique occidentale. Plusieurs analystes qui se sont penchés sur cette pièce, tout en insistant sur l'extraordinaire nouveauté de son matériau sonore, la décrivent selon une écoute traditionnelle en en livrant une lecture thématique. Il est vrai que la célèbre phrase du tambour militaire que vous voyez ici fonctionne comme un thème. Mais une autre écoute peut être sollicitée à l'aide précisément de la notion de son organisé. En effet, on peut penser des pans entiers de cette œuvre comme des sons globaux, comme des sons composés de l'intérieur. Et justement, l'œuvre est en fait entièrement composée sur 3 sons globaux. Elle commence par leur exposition, avec un premier son global qui simule un son de gong sur une échelle plus vaste, avec une attaque et une résonance. Puis arrive un second son global qui est finalement, ce qu'on peut aussi écouter comme un thème, où les sons ne fusionnent pas, il y a plusieurs couches superposées, et un peu plus loin, on entend un troisième son global, composé grelot, castagnette, tambour de basque, bloc chinois, etc., un son très granulaire, avec des sons pointus dans l'aigu. prise de fond. Avec ces trois références, Jeu de Debussy, Farben de l'Opus 16 de Schoenberg et Ionisation de Varèse, j'essayais d'expliciter ce nouveau paradigme, le paradigme du son, qu'on commence à entrevoir aux alentours de la Grande Guerre et qui introduit la mutation sans doute la plus importante de la musique du XXe siècle, une mutation qui continue à se préciser sous nos yeux et nos oreilles. Quant à l'autre rupture importante, qui introduit la tonalité et l'apostrophe à tonalité, si j'en ai minimisé l'importance, elle reste bien sûr importante, majeure, mais elle se subsume en quelque sorte sous la rupture provoquée par le paradigme du son. En guise de conclusion, j'aimerais donner une dernière référence où l'on verra s'imbriquer totalement atonalité et émergence du son, la première donnant naissance à la seconde. Il s'agit du premier mouvement de la symphonie opus 21 de 1928, de l'élève de Schoenberg, Anton Weber. Cette pièce est basée sur une série de dodécaphoniques très élaborées, composées comme un microcosme et possédant des symétries internes. Sur la base de l'analyse des transformations de cette série, ce mouvement peut être pensé comme un canon à quatre voix, comme le met en évidence la réduction de la pièce à quatre voix que vous voyez. Mais bien que cette construction soit ce qui caractérise le langage compositionnel de l'œuvre, à l'audition, c'est autre chose que l'on perçoit. En effet, à la simple audition, il est tout à fait impossible d'entendre le déroulement de la série et encore plus ses transformations très complexes. Il s'agit de bien mettre en évidence le fait que la musique atonale ne peut pas être perçue comme l'a été la musique tonale. Et selon cette perspective, l'auditeur ne perçoit pas d'une manière consciente. Il ne comprend pas, entre guillemets. Ça ne signifie pas, bien sûr, que la pièce n'a pas de sens. En fait, l'auditeur qui arrive à entendre cette pièce s'ouvre à une autre écoute qu'on pourrait nommer, avec le psychanalyste viennois des années 60, Anton Ehrenzweig, une écoute syncrétique ou indifférenciée. Musicalement, cette perception indifférenciée, syncrétique, montrerait une cohérence sous ce qui semble être un simple débris de notes. Et l'auditeur, notre auditeur, ne percevrait pas les structures écrites composées par Webern, qui ne sont pas faites pour être entendues, mais il entendrait cette globalité que j'appelle ici son composé. Pour finir, si j'ai choisi de conclure avec cette pièce, c'est aussi pour évoquer, ne serait-ce que passagèrement, les incidences musicales de la Grande Guerre. En effet, ce qui est intéressant dans cette œuvre, d'un point de vue esthétique, c'est la raréfaction du tissu musical. Pensez qu'il s'agit d'une musique pour orchestre, et nous sommes donc aux antipodes des masses orchestrales de la musique romantique et post-romantique, comme vous pouvez le voir dans la réduction, où sur quatre simples portées figure tout un orchestre. On sait qu'au début de la guerre, Webern attend avec angoisse l'ordre de mobilisation qui tarde à venir. Dans une lettre qu'il adresse à Schoenberg, on lit « Je ne supporte plus d'attendre d'être mobilisé. Jour et nuit, le désir me hante, être apte à lutter pour cette grande et sublime cause. » Êtes-vous d'accord sur le fait que cette guerre n'a pas de motivation politique? Il s'agit de la lutte des anges avec les diables. Dieu, faites que ces diables périssent. Dieu, en effet, leur donne déjà la marche victorieuse des Allemands vers Paris. Etc., etc. Après avoir échoué plusieurs fois à l'examen médical pour entrer dans l'armée, Webern est finalement mobilisé en février 1915. Sans surprise, comme tant d'autres, il fut alors rapidement déçu par la vie militaire et sa bravade nationaliste commença à s'estomper. D'où les œuvres musicales qu'il compose pendant la guerre sur des textes de Karl Kraus, qui a été mentionné, et Georg Trakl. La symphonie, elle, est postérieure puisqu'elle date de 1928. Sans doute fallut-il du recul à notre musicien pour pouvoir enfin représenter la guerre telle qu'elle fut. Je vous propose donc d'écouter le début de cette œuvre qui nous rapproche d'une manière inexorable